Bouleversées sans le dire, les trois femmes étaient reparties ensemble, mais chacune chez soi. Malgré tout, inquiètes pour cet homme attachant, au visage défait, qu'elles avaient laissé à la Timone, seule, face à son destin. Le lendemain matin, il était à peine 6 heures, Annette était brutalement réveillée par le téléphone. Une voix féminine, visiblement rompue à l'usage, lui annonçait que M. Colpi avait eu un nouveau malaise, que c'était grave et qu'il fallait venir dès que possible. Les trois femmes s'étaient à nouveau retrouvées en pleurs dans la salle d'attente du service des soins intensifs. Un homme en blanc était venu, à pas lents et mesurés, leur annoncer d'un air contrit le décès de Marcel. Ils avaient tout tenté en vain. Contre toute attente, son cœur avait lâché. Annette s'était effondrée sur une chaise, la tête dans les mains pour cacher ses larmes et son désarroi. En levant la tête, elle avait aperçu Bernard, le visage glabre et l'air glacial, qui parlait à mi-voix au médecin. Ils étaient entrés dans un bureau au bout du couloir, mais auparavant, le jeune homme lui avait fait comprendre d'un signe autoritaire de rester où elle était. Visiblement, il ne tenait pas à lui adresser la parole et ne la considérait pas comme de la famille. Ivre de chagrin et de dépit, Annette avait quitté la Timone à pied, errant de bon matin dans les rues, mouillée par un crachin froid qui lui coulait sur le visage en se mêlant abondamment à la chaleur de ses larmes. Elle n'était revenue chez Marcel que sur le soir, incapable de se souvenir de ce qu'elle avait fait durant tout ce temps. Le téléphone avait sonné maintes fois. Elle avait entendu des pas rapides dans le couloir et quelqu'un qui avait sonné, puis frappé vigoureusement à la porte. Lovée dans le fauteuil du Colpi, les genoux repliés sur le ventre, elle n'avait pas répondu, ni manifesté sa présence, par crainte de se trouver nez à nez avec Bernard, ne se sentant pas le courage immédiat de l'affronter en ces lieux.